إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به مالت به فكادت تلقيه وإذا أخبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأخبر فقال رجل أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمتى مات هؤلاء فقال ماتوا في الإشراق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر الحديث رواه مسلم أحبتي في الله هل وقفنا مع أنفسنا وقفة تذكر هل تذكرنا القبر وضمته وضيقه وظلمته أم أننا مشغولون بدنيانا حتى لم نجد لحظة واحدة نتذكر فيها هذا الموقف العظيم كم فقدنا من الأحباب وكم دفنا من الأصحاب ولم نعتبر بما صاروا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran « Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. » Chers musulmans, selon Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, il nous dit « Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un jardin appartenant à la tribu de Banu Najjar et il était sur sa monture. C'est alors que sa monture se cabra et faillit le jeter à terre sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait là 6, 5 ou 4 tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, qui sait à qui appartiennent ces tombes? Un homme dit, moi je sais à qui appartiennent ces tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, quand sont-ils morts? L'homme dit, ils sont morts dans l'association. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, cette nation sera éprouvée dans sa tombe, et si je ne craignais pas qu'après cela vous ne soyez plus enterrés, j'aurais invoqué Allah qui vous fasse entendre le châtiment de la tombe comme je l'entends. Puis il se tourna vers nous et nous dit, demandez protection auprès d'Allah contre le supplice du feu. Nous dit, nous demandons protection auprès d'Allah contre le supplice du feu. Puis il dit, demandez protection auprès d'Allah contre le supplice de la tombe. Nous dit, nous demandons protection auprès d'Allah contre le supplice de la tombe, rapporté par Moussoul. Chers frères et sœurs, qui d'entre nous a marqué un temps d'arrêt avec son âme afin sommes-nous rappelés la tombe, son resserrage, son étroitesse et son aspect ténébreux? Ou bien sommes-nous tous occupés par ce bas monde au point de ne plus trouver un seul instant pour se rappeler cet énorme événement venant après la mort de chacun d'entre nous? Combien avons-nous perdu de personnes chères à nos cœurs? Combien avons-nous enterré d'amis? Et nous n'avons tiré aucune leçon de cela, nous ne réfléchissons pas à leur destination après leur mort. عباد الله قد دل على ثبوت عذاب القبر آيات القرآن وأحاديث السنة الصحيحة وإجماع السلف. قال الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب. اليوم تجزون عذاب الجنود بما كنتم تقولون على الله بالحق وكنتم على آياته تستكبرون. يعني اليوم يعذبون بعد الموت قبل قيام الساعة الكبرى وهو عذاب القبر والبرزخ. شخصاً في تبرى خوف la réalité du châtiment de la tombe, des versets du Coran, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des dieux prédécesseurs. Allah nous dit dans le Coran, en parlant de Pharaon et son peuple, Allah donc le protégea, c'est-à-dire l'homme croyant du peuple de Pharaon, Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où leur arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Et dans un autre verset, dans le surat Al-An'am, Allah nous dit, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les arbres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant, laissez sortir vos arbres, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. أما الأحاديث الصحيحة النبوية فكثيرة جدا وهي تثبت أن عذاب القبر حقيقة لا ريب فيها فقد روى الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه وقد علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال: يا اخواني لمثل هذا فاعدوا. شيخ مسلم quant aux hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont très nombreux et ils nous montrent que le châtiment de la tombe est une réalité sur laquelle on ne peut douter. Les deux imams, Ahmed, Tirmidhi et d'autres, rapportent que lorsque Othman ibn Affan, radiallahu anh, se tenait debout devant une tombe, il pleurait tellement qu'il embrouillait sa barbe. On lui dit alors, tu évoques le paradis et tu évoques parfois l'enfer. sans verser une larme et tu pleures devant la tombe. Il répondit alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe est la première demeure de l'au-delà. Si l'homme y est sauvé, ce qui suivra sera plus facile, sinon ce qui viendra sera plus rude. Et il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai jamais vu une scène pire que la tombe. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de demander protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe lors de chaque prière. Lors de chaque prière, il est recommandé de demander protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe, comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques de Al-Bukhari ou Muslim. Selon Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous finit le tashahhud, qu'il demande protection auprès d'Allah contre quatre choses, contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et l'épreuve du Messie à la chaîne. Et le célèbre compagnon, Bala ibn Azimid radiallahu anhu, nous dit, nous étions en compagnie du prophète pour un enterrement, et il s'est assis au bord de la tombe et s'est mis à pleurer jusqu'à mouiller la terre. Puis il dit, oh mes frères, vous devez vous préparer à ce type d'événement rapporté par le compagnon. أيها المسلمون استمعوا رحمكم الله إلى هذا الحديث العظيم وهذا الحديث العجيب وسأذكره كاملا مع طوله لأنه قد اشتمل على كل ما يقع للمسلم والكافر في قبره فيعتبر هذا الحديث العمدة في هذا الباب. والحديث عند أحمد وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما ينحت لم يدفن بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينبت في الأرض فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفل من أكفال الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج نفسه تسيل كما تسيل القبرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها الملائكة الآخرون لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأخر نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في هذه الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء يقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله جل وعلا أكتب كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له ما علمك فيقول قرأت القرآن وقرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي بلد النار في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت تمعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك وجهك يجب الخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. شاو جمهور écoutez attentivement ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith très important qui est le hadith le plus complet parlant du supplice et le délice de la tombe. Nous allons le citer entièrement malgré que ce soit un hadith considéré comme long. Al-Bara ibn Azimi radiallahu anhu nous dit: nous sommes sortis à l'occasion d'un enterrement en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous arrivâmes, la tombe n'était pas encore creusée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous assit autour de lui. Nous étions tellement silencieux et tranquilles que c'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bâton dans sa main qu'il utilisait pour gratter la terre. Il leva alors la tête et dit deux ou trois fois: demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Puis il dit: le serviteur croyant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'au-delà, des anges au visage resplendissant descendent du ciel. C'est comme si leur visage était un véritable soleil, emportant avec eux un linceul et du parfum provenant du paradis. Ils s'asseyent avec lui et ils sont tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'aux portes de regard. Puis vient l'ange de la mort, Malak al-Mawt alayhi salam, qui s'assoit auprès de sa tête et lui dit: ô âme pure, sors et viens rejoindre un pardon et un agrément venant d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: l'âme s'écoule et sort du corps aisément comme la goutte coule de l'outre. L'ange de la mort l'a saisie, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans le linceul et la parfument. Émane alors de cette âme un parfum comparable à la meilleure fragrance de musc qui puisse être trouvée sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua en disant: les anges vont alors en l'emportant et ils ne passent pas en sa compagnie auprès d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne demandent: quelle est donc cette âme pure? Les anges répondent alors: c'est celle d'un tel, fils d'un tel. Et il adore en citant les plus beaux prénoms par lesquels on le désignait dans ce bâton, jusqu'à ce qu'il arrive avec cette âme, au ciel le plus proche, sa mère Dunia. Il demande la permission d'entrer et celle-ci leur est accordée. L'accueille alors ceux qui font la conduire au ciel suivant, jusqu'à ce qu'elle parvienne au septième ciel. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors: consignez le livre de mon serviteur dans l'ennemi, au plus haut des degrés. Et retournez-le vers la terre, parce que c'est d'elle que je les ai créés, et c'est vers elle que je les retourne, et c'est d'elle que je les retirerai une nouvelle fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: son âme est donc ramenée à son corps. Deux anges viennent alors, le font s'asseoir, et lui demandent: qui est ton Seigneur? Il répond: mon Seigneur est Allah. Il lui demande ensuite: quelle est ta religion? Il réplique: ma religion est l'islam. Il le questionne encore: qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Il dit alors: il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui demande enfin: et d'où tiens-tu ta connaissance au sujet de ce que tu affirmes? Il dira alors: j'ai lu le livre d'Allah, j'ai apporté foi en lui et j'ai attesté de sa véracité. Un appel est alors lancé du ciel: mon serviteur a dit la vérité, tapissez donc le paradis pour lui, allez habiller-le de vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Lui parvient alors sa brise, la brise du paradis et son parfum. Sa tombe est élargie jusqu'aux portes de regard. et un homme au beau visage, bien habillé et parfumé, vient auprès de lui et lui dit, accepte la bonne nouvelle qui va te réjouir. Voilà le jour qui t'avait été promis. Le défunt lui dit alors, qui es-tu? Ton visage est celui de la personne qui apporte le bien, qui apporte une bonne nouvelle. Il répondra, je suis tes bonnes œuvres. Le défunt demandera alors, ô Allah, fais survenir l'heure dernière afin que je puisse retourner auprès de ma famille et de mes biens. Barakallahu li wa lakum. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد الا له والصلاه والسلام على قادم النبوءه والرساله وعلى اله وصحبه وكل من اهتم له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد عباد الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نفسه قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح يعني صوف بال فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب قال فتفرق نفسه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود يعني الابره من الصوف المبلول فياخذها ملك الموت فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يجعلوها في تلك المسوح حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كان لريح جيفه وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكه الا قالوا ما هذا الروح الخبيث ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان باقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا ادري فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا ادري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا ادري فينادي منادي من السماء ان كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحه فيقول ابشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من انت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول انا عمك الخبيث فيقول هذا الكافر ربي لا تقيم السلام Chers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite dans le même hadith, pour nous parler de la personne mécréante, il nous dit que le serviteur mécréant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre, les anges au visage noirci descendent du ciel vers lui avec de la vue, c'est-à-dire un tissu très abîmé. Et il s'asseyent avec lui et ils sont tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'où porte le regard. Puis vient l'ange de la mort qui s'assoit auprès de sa tête et lui dit: ô âme répugnante, sors vers la colère et le mécontentement d'Allah. Et là, cette fois-ci, se répand alors partout dans le corps et l'ange de la mort l'arrache comme on arrache une broche de la laine trempée. C'est-à-dire d'une manière très difficile. Mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans cette bure. Émane alors d'elle une puanteur comparable à la pire odeur d'un cadavre qui puisse être trouvé sur la terre. Les anges vont alors en l'emportant et ils ne passent en sa compagnie auprès d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne demandent quelle est cette âme répugnante. Ils répondent alors: c'est celle de Atel, fils d'Atel, et il la nomme en citant les pires prénoms par lesquels on le désignait dans ce bas-monde, jusqu'à ce qu'ils arrivent avec elle au ciel le plus proche. Et ils demandent la permission d'entrer, et celle-ci leur est refusée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita ensuite le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille. Allah dira ensuite consigner son lit dans le sigil, dans la terre inférieure au plus profond de celle-ci. Son âme est alors jetée, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita: car quiconque associe Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient et que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Son âme, l'âme du mécréant, est donc ramenée à son corps, et deux anges viennent alors et le font s'asseoir et lui demandent: qui est ton Seigneur? Il répondra: je ne sais pas. Et il lui demande alors: quelle est ta religion? Il répondra: je ne sais pas. Et il le questionne encore: qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Il dira: je ne sais pas. Un appel est alors lancé du ciel, il a menti, tapissez donc l'enfer pour lui et ouvrez-lui une porte vers le feu. Lui parviennent alors les effets de sa chaleur et son vent brûlant. Sa tombe se rétrécit sur lui au point que ses côtes se retrouvent emboîtées les unes dans les autres. Un homme au visage d'air, mal vêtu et puant, vient auprès de lui et lui dit: accepte la nouvelle qui va te déplaire. Voilà le jour qui t'avait été promis. Le défunt lui dit alors: qui es-tu? Ton visage est celui d'une personne qui apporte le mal. Il répondra: je suis des œuvres malsaines. Le défunt demandera alors: oh Allah, ne fais pas survenir l'heure. Et le prologue: إن هناك أسباب تنقل المؤمن من عذاب القبر بإذن الله تبارك وتعالى، ومن تلك الأسباب المداومة على العمل الصالح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام. ويجب المداومة على هذه الأعمال لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم الذي هو الشهر الذي يجمع الأعمال الصالحة كلها. ومن الأعمال الصالحة التي تنجي صاحبها من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله. إن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببراءة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي. شهر رمضان. Il existe, par la bonté d'Allah, des causes de sauvetage et de secours contre le châtiment de la tombe. Des choses qui préservent le musulman et le croyant contre le châtiment de la tombe. Parmi ces causes, le fait d'être assidu aux œuvres pieuses comme la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, commander le bien, attaquer le mal, la bonté envers les parents, lier les liens de parenté, et il faut être assidu à toutes ces œuvres, surtout que nous sommes actuellement aux portes du mois de Ramadan, qui est le mois qui englobe toutes les bonnes œuvres. Parmi les bonnes œuvres également, chers musulmans, sauvant du supplice de la tombe, le fait de mourir en martyr. Un homme questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: pourquoi les croyants goûtent-ils tous à l'épreuve de la tombe sauf le martyr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: L'éclat des épées au-dessus de sa tête lui est largement suffisant comme épreuve rapportée par l'imam al-Nasa'i. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر ومن أسباب النجاة من عذاب القبر قراءة سورة الملك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه النسائي. وروى النسائي كذلك في السنة الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، يعني من عذاب القبر. Également, parmi les causes protégeant du supplice de la tombe, la lecture de Surat al-Mulk. Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه dit: Surat Tabarak est celle qui protège du châtiment de la tombe, rapporté par l'imam al-Nasa'i. Et l'imam al-Nasa'i rapporte également dans un autre livre qui est Sunan al-Kubra qu'Abdullah ibn Mas'ud disait: celui qui lit Surat al-Mulk chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala le protégera du châtiment de la tombe. Et nous l'appelions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam la protectrice. وكذلك من أسباب النجاة من عذاب القبر أن يموت الرجل أو المرأة يوم الجمعة أو ليلتها. للحديث أو لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. Également, chers musulmans, le fait de mourir un vendredi ou la nuit du vendredi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout musulman décédant la nuit du vendredi ou le vendredi sera protégé du châtiment de la tombe, rapporté par At-Tirmidhi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت ولم توصف، فأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه. Également, chers musulmans, le fait d'invoquer pour le défunt et de demander pardon pour lui et de faire des dons pour lui et de régler les dettes qu'il a laissées ou de partir au pèlerinage pour lui, tout cela est bénéfique pour lui dans la tombe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir enterré un mort, il disait: sollicitez le pardon d'Allah pour votre frère et même que l'affermissement dans sa foi, car il est interrogé à cet instant même, rapporté par Abu Daoud. Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ma mère est décédée et je crois que si elle avait eu le temps de parler, elle aurait recommandé une aumône. Serait-elle récompensée si je faisais une aumône à sa place? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Assalallahu alayhi wa sallam bi asma'i al-husna. Wa sifati al-ula an yaqiyani wa iyyakum 'adhab jahannam wa an yaqiyana fitnata al-qabr wa an yaqiyana fitnata al-mahya wa al-mamat wa fitnata al-masih ad-dajjal wa an yaqiyana kull al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawl wa 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawl wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afaf wa al-ghina. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا في كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس أذب المسلمين. الناس اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم تقبل من الاخوان الذين يساعدون المسجد باموالهم واوقاتهم ودعواتهم وجهودهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل صدقاتهم نورا لهم يوم القيامه وبارك لهم في اموالهم وفي صحتهم وفي اولادهم وفي شؤونهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفه في ميزان حسناتهم يوم القيامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار